Vous êtes bien sur le 101.1, comme toujours. Nous sommes de retour sur le plateau. Hugo me demande des clopes. Je crois qu'il a besoin d'un peu de courage pour mener cette interview. En tout cas, je n'arrive pas à faire marcher la diffusion. Alors, je vais essayer de relancer un petit jingle. Vous allez me dire si vous l'entendez. Et je ne crois pas. Malheureusement, je ne crois pas. Alors, on va vérifier la sortie avant de démarrer, quand même. Ah, c'est un Windows. Pour pouvoir... Je sais pas faire sur les Windows, mais... Alors regardons. Raphaël, reprenons le câble de A à Z. Ça, vous allez avoir une petite technique radiophonique. Un débranchement, un rebranchement. C'est magnifique, c'est magnifique. Tout à fait, casque je pense. Non, casque. Allons-y, essayons Raphaël. Lance-nous ce petit jingle de nouveau. Allez, tente le coup. C'est l'utopie alors. Je connais le terme d'utopie, tout ça, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut... Ça va être tout le débat pendant 3 jours. 101.1. Donc, nous voilà de retour sur le plateau avec Nicolas et Hugo de Saxifraga, ainsi que Monsieur le maire et un représentant des tricoles. Je vous laisse les micros. Donc, on est avec Monsieur Xavier Bonnefond, le maire, et Tammy qui fait partie de la Fondation Les Tricoles. Merci d'être venu. Bonjour et merci, oui. C'est un plaisir. Là, c'est marrant, vous disiez juste avant de prendre les micros que vous n'avez pas forcément trop le temps de flâner au jardin vert. Qu'est-ce que ça fait pour vous de voir qu'il y a une initiative pour le faire vivre et pour le rendre l'animer et le rendre plus vivant? J'accueille ça en tout cas avec beaucoup de plaisir parce que. N'échappez à personne qu'on a un programme d'animation un peu durant l'été qui s'appelle Les Beaux Jours, et c'est vrai qu'une partie de ces animations, on tient à ce qu'elles se déroulent ici au Jardin Vert, parce que c'est d'abord un lieu historique chargé quand même d'histoire pour bon nombre d'Angoumoisins, et puis surtout pour les nouveaux Angoumoisins qui n'ont peut-être pas encore tout le temps eu l'occasion de le découvrir parce qu'ils habitent dans un autre quartier ou en tout cas un peu plus loin que le centre-ville. C'est un lieu qui à chaque fois plaît beaucoup, et je disais aussi que on a une équipe dédiée d'agents qui font l'entretien, le suivi de ce site emblématique de la ville, ce poumon vert. Et nos agents, ils sont très attachés et surtout veulent d'une année sur l'autre retrouver leur affectation ici, parce que c'est finalement un peu chez eux. C'est vrai, on a croisé, parce qu'on a eu accès aux loges, donc on a aussi accès à leur bureau. Donc on les croisait le matin quand ils prenaient leur café, et il y a une journée, en fait, il a plu le matin. Et on a discuté avec eux, et effectivement, ils étaient tous là. Donc eux, ils étaient en équipe mouvante, enfin en équipe mobile. Et ils étaient tous en train de nous dire « J'aimerais bien quand même avoir mon affectation, je l'ai plus, je suis parti là-bas, j'aimerais bien revenir. » Donc à chaque fois que je reviens, je suis hyper content. Et moi, j'aimerais bien continuer sur ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui, toute l'année, en fait, entretient le site, le Jardin Vert. Qu'est-ce que pour vous, par exemple, pour la ville, qu'est-ce que apporte un tel événement, par exemple, comme celui-là? C'est, je crois, là encore, quelque chose qui reflète l'identité de notre belle cité. D'abord, une cité qui rajeunit. Je ne dis pas qu'il faut opposer les générations, mais pour autant, c'est vrai que le tissu et le nombre de nos écoles augmentant, ça fait venir des jeunes, parfois de d'autres horizons, et... ça renforce le tissu étudiants et puis des gens qui après finalement s'installent à Angoulême et qui participent à la vitalité culturelle, à la créativité et puis à ces échanges qui sont à mon sens très importants et qui témoignent du dynamisme de notre ville, en tout cas celle que chaque édile, chaque élu je pense espère pour sa cité, quoi. Et justement, pour parler un peu de la jeunesse ou des associations comme la nôtre, parce qu'on est resté sur Angoulême après avoir fait un master en documentaire en l'occurrence, et il y a d'autres collectifs et personnes qui sont présents dans le festival. Il y a par exemple KEBS, l'association là qui a fait l'installation ici, ils étaient aux Beaux-Arts, alors ils sont plus sur Angoulême, mais il y a le Book qui s'est installé, qui sont là, il y a... Il y a pas mal de personnes qui vont être là tout le week-end et qui avaient été soutenues donc par la fondation Les Tricoles, qui est une fondation qui permet quelque part de donner cet espace-temps, parce que bien sûr si on a un peu de sous pour réaliser des projets, bah voilà, ça nous donne le temps de les réaliser. Et du coup, nous, c'est une question qu'on a pas mal vis-à-vis du secteur associatif, vu qu'on est dedans et qu'on essaye de créer des synergies et créer des rassemblements, parce que là, c'est bien là ce qu'on produit ici. Finalement, c'est de créer des liens entre des associations qui se disent, tiens, comment on peut créer un peu de transversalité ou des choses qui vont permettre de modifier aussi positivement peut-être les espaces qu'on habite. Et c'est vrai que au niveau de la ville d'Angoulême et tout ça, qu'il y a des festivals importants, il y a le festival de la BD, il y a le FFA qui vient de passer, et ben il y a quand même une enveloppe qui est assez réduite, assez complexe pour ce vivier associatif-là. Et du coup, bah nous, c'est un peu une question qu'on a pour savoir comment, si on se dit, bah, faut qu'on fasse autrement, qu'on soit complètement autonome, ou voir, alors là, c'est peut-être sur les enjeux de, il y a bientôt les élections et une prochaine politique culturelle sur la vie associative, et de voir bah voilà, quel est votre positionnement là-dessus. Et puisque finalement là, c'est pour plein d'assos qui sont là, c'est les Tricoles ouais, qui ont permis, et notamment cet événement en grande partie. Du coup, voilà, quelle est vous votre projection un peu là-dessus sur le soutien à la vie associative et au collectif et aux associations et à la jeunesse qui reste. Bah déjà, je voudrais saluer en effet le soutien que vous avez pu avoir du côté de la Fondation des Tricoles, parce que comme vous l'avez souligné, Nicolas, si la Fondation n'avait pas décidé de vous accompagner, peut-être en effet que cet événement et ce qui nous rassemble aujourd'hui ici au Jardin Vert aurait eu lieu. C'est certainement même incontestable. Pour autant, c'est vrai que, comme vous l'avez souligné aussi, il y a une vie culturelle en effet assez importante avec... je crois qu'il ne faut pas avoir peur du mot, hein, de fortes disparités entre les événements, des événements qui, quand on prend la BD, qui est l'ADN et l'identité de notre ville, sur laquelle d'ailleurs nous avons appuyé notre candidature au réseau des villes créatives UNESCO, qui a été déposé là avant fin juin et qui, je l'espère, nous conduira fin octobre, début novembre à intégrer ce réseau mondial. Pour autant, c'est vrai que c'est des événements importants qui ont lieu depuis maintenant plus de 45 ans. Le FFA, c'est vrai que vous l'avez cité, c'est un événement plus récent, mais qui a pris une envergure médiatique du fait des créateurs que sont Marie-France Brière et Dominique Besnard. Il faut là encore s'en réjouir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette présence des jeunes créateurs qui... finissent par rester à Angoulême parce qu'ils y trouvent un réseau, ils y trouvent aussi, ils sont tout simplement parfois même tombés amoureux de notre cité et de son côté un peu agréable. Il nous faut trouver des conditions qui nous permettent de voir émerger ces projets, parce que c'est vrai que tant qu'ils n'existent pas, c'est toujours compliqué de mesurer d'abord les besoins et puis la réalité et l'importance qu'ils pourraient prendre. Et donc pour les élus en général, hein, quelles que soient les collectivités, c'est toujours des questions qu'on pose et sur lesquelles on interroge les techniciens qui souvent sont vos interlocuteurs avant de trancher. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la multiplicité des créateurs fait que il faudrait incontestablement avoir des petites enveloppes parce que vous ne demandez pas forcément plus de grosses sommes pour pouvoir justement le lancer et accompagner, et puis peut-être, je le souhaite en tout cas, développer ce type de projet. C'est quelque chose, en tout cas de mon côté, qui anime en effet ma réflexion. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, quand je suis arrivé, Nicolas, on a eu cet échange, parce que il ne faut pas que cet événement se conclue par une difficulté financière, et il faut que cet événement, compte tenu du succès qu'il est en train d'avoir, en tout cas pour ce week-end, vous permette de penser à une autre édition. Ouais, une autre édition, ou alors du coup là il y a la notion de un peu de faire ses preuves en fait quelque part. Et là où je trouve intéressant la démarche de la fondation, c'est quelque part, c'est sans contrepartie. Alors bien sûr, il y a une idée de confiance en fait, c'est-à-dire une rencontre. Et on pourra en parler, on peut peut-être en parler après, de se dire de la première fois où on s'est rencontrés, quand on était sur le projet de Ruelle, ou le fait qu'on ait eu un soutien ensuite pour dire bah on trouve pas de lieu sur Angoulême. Et nous, c'est ça qu'on aimerait défendre, avoir un lieu de création, de diffusion. On a eu cette idée mobile, vous nous avez soutenus. Puis vous nous avez proposé là de mettre en valeur pas mal de gens que vous aviez déjà soutenus et pour réaliser l'événement là qu'on est en train de vivre. Et voilà, et je pense que c'est ça un peu la différence là qu'il faut exister, ou le questionnement de dire faire ses preuves. Est-ce qu'il nous faut 5 ans pour nous un peu à galérer, parce que la réalité de chacun d'entre nous, c'est d'être encore au RSA. Pour la plupart, d'avoir des petits jobs et puis de se dire en fait ce qu'on est en train de faire, bah, c'est aussi du travail. Et donc pour ça, bah, on cherche à avoir un peu de sous et de soutien. Et donc voilà, alors je sais pas le positionnement ou toi, ce que tu te racontes, Tammy, par rapport au positionnement des tricoles et justement le fait qu'il n'y a pas de il y a pas d'attente finalement derrière. Bien sûr, vous suivez les projets, mais. Tammy, si je peux me permettre, peut-être avant que vous parliez au nom de la fondation, ce qui est sûr, c'est que quand on est face à des porteurs de projets tels que vous, à chaque fois, moi, je dis au service, il faut accompagner, déjà techniquement. C'est la première des choses. Et malheureusement, parfois, même souvent, ça se traduit aussi pour un coût pour la collectivité, parce que ça nécessite des heures sup et autres. Après, l'accompagnement financier, même s'il est pas toujours aisé à trouver dès lors qu'il y a un événement, parce que c'est vrai que le principe, c'est l'annuité budgétaire et que le budget est construit quasiment, enfin même plusieurs mois avant l'année civile. C'est vrai de venir avec la fondation. Pour moi, c'est quelque chose qui aussi est un vrai effet levier, en tout cas dont on prend connaissance et qu'on accueille très positivement. Donc, vraiment, je crois que ça, c'est une force et merci d'avoir souligné la chance que vous avez eue de pouvoir compter sur l'accompagnement de la Fondation. Oui, la Fondation a fait confiance à. Je sais pas si. Alors, on va brancher le micro de Tamio, ou alors je te passe celui-ci si tu veux. Oui, la Fondation a soutenu un certain nombre de projets, dont pour Saxifraga, c'est le troisième projet, même si ce projet a la particularité où c'était un projet, on va dire, qu'on a co-construit, pour ne pas dire qu'on a commandité et soutenu financièrement, si je pense qu'on peut utiliser ces termes-là. Alors, bien évidemment, nous sommes ravis de voir le succès que ça a eu hier, parce que on a une estimation de l'ordre de 600 à 700 personnes qui sont venues, et de tout âge, de toute génération. Donc ça, c'était quelque chose de remarquable. On a eu les premiers retours des personnes qui étaient là, qui étaient très satisfaites et qui demandent tous, est-ce qu'il y aurait d'autres éditions? Alors bien évidemment, le souhait de la Fondation Les Tricoles est qu'il y ait d'autres éditions, même si nous, notre principe, c'est on finance que la première, on met un petit peu sur les rails, on fait confiance. Vous pourrez toujours compter sur notre soutien par notre présence, mais ça ne sera pas j'allais dire pas forcément, non, ça ne sera pas du tout un soutien financier comme ça a été le cas pour cette première édition. Par contre, vous pouvez compter sur nous, y compris même dans l'accompagnement du montage de votre projet, et je sais qu'on a eu beaucoup de réunions avec des exigences de notre part, et je pense que ça vous a permis aussi d'amener une certaine rigueur dans votre organisation. Donc, c'est des échanges qui ont été très fructueux, même si on vous a gratté un petit peu pour vous essayer, mais je pense que c'était nécessaire, et ça a même crédibilisé aussi votre démarche aussi auprès des collectivités, auprès de la mairie, de voir que. On arrive avec un projet qui est réfléchi, qui est mûri. Alors l'objet de la fondation aussi, c'était de que ce week-end soit aussi l'occasion de mettre en valeur et de mettre en lumière un certain nombre de projets qu'a soutenu la fondation Les Tricoles. Donc je n'en dirai pas plus, mais j'invite plutôt les Angoumoisins à venir les découvrir sur le site du Jardin Vert pour se rendre compte un petit peu de. Et la fondation va continuer bien évidemment à soutenir soutenir un certain nombre de projets qui touchent globalement à tout ce qui est relatif à la nature, porté par des jeunes, et que ça a un attachement avec le territoire de la Charente. Voilà, donc c'est une édition que je pense va avoir du succès et que j'espère qu'elle ne sera pas la dernière. Et ça, on ne sait pas si... Peut-être qu'à nous, elle sera unique aussi. Ah, je crois qu'on a... Là, c'est difficile de se projeter sur une future édition, etc. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, ce qui nous a permis d'ailleurs de réaliser ça, c'était Minagez-vous, où on l'a monté sans argent, parce qu'il y a des artistes qui sont venus jouer, parce qu'on croise du monde et que les gens nous soutiennent, et qu'on est dans ces réseaux d'entraide et de fabrication artistique. Et on avait fabriqué ça donc sur la place du Minage en octobre dernier. Et pareil, on a mis un mois à le monter, il y a eu 500 personnes qui sont venues sur le week-end. C'était autour de la poésie, de la littérature, de formes. Et ben, a priori qu'on voit pas tous les jours, quoi. Et avec ce lien, avec le fait de faire vivre des places publiques. Et la question, bah, c'est quel lien entre l'institution, la vie associative et quelque part, je dirais, une délégation un peu de presque de service public, parce qu'on est tous dans la même idée d'habiter une ville, de travailler aux questions de vivre ensemble, etc. Mais comment on peut déléguer quelque part du pouvoir, et du pouvoir d'action, en fait. Et c'est là que, ben nous, je pense que c'est parce qu'on est resté, que ça fait 2 ans, 3 ans, et qu'on est en collectif, et qu'on est amis, et qu'on croit à ce qu'on fabrique, et qu'il y a une forme de résultat, si on veut, parce qu'on voit bien qu'il y a des gens, que là, il y a des gens qui applaudissent, et que c'est sûrement bientôt la fin de la conférence. Mais voilà, en tout cas, pourquoi pas continuer à faire de la radio ensemble. Et moi, j'ai pas la réponse de où est-ce qu'on peut continuer à discuter de la politique publique, culturelle, associative, d'une manière peut-être plus élargie pour poser les questions et les besoins de pas mal d'associations. Il y a la MPP qui a fermé. Bah, ça pose la question. Il y a 30 associations qui sont là-bas depuis 20 ans. Ben, où est-ce qu'elles vont se retrouver, comment on investit des futurs lieux. Il y a les questions de normes, parce qu'on a souvent discuté aussi de ça, des normes ERP et tout ça. Et donc, mais où on en est par rapport, je sais pas, des fois aller juste à l'extérieur, à d'autres endroits qui fonctionnent un peu autrement. Et est-ce que nos normes, elles vont changer pour que finalement il y ait une appropriation d'espace public et d'espace de travail, d'espace collectif. Et ça, moi j'ai pas la réponse, et je pense que ça peut appartenir aussi à une volonté politique, quelque part, de prendre ce risque-là. Une volonté politique, et puis celle de créateurs, ou en tout cas de personnes portant les idées. Vous parliez à l'instant de délégation de services publics, alors c'est là où, sur l'aspect juridique, c'est là où on rentre toujours dans la complexité administrative et juridique en France. Et pour autant, à Angoulême, on n'est pas sur une politique culturelle au sens juridico-administratif qui s'organise en DSP, mais c'est vrai que ces événements qui s'inscrivent dans le temps font que quasiment la politique culturelle est portée quasi exclusivement par des acteurs. Des opérateurs, des acteurs culturels de la ville. Quand on prend le festival, ce n'est pas la ville qui l'organise. Le festival, on l'accompagne financièrement comme d'autres collectivités, mais c'est une association avec un opérateur. Le FFA, c'est pareil. Et quand les associations comme la vôtre sont à l'initiative de projets, là encore, vous venez avec un projet qui est déjà bien mûri, bien réfléchi, et qu'on décide d'accompagner. Et je crois que ce qui fait la différence d'Angoulême, c'est que il y a une telle vitalité sur la cité, chez nos concitoyens, compte tenu des moyens financiers que ça mobilise à chaque fois, ou des moyens techniques quand il s'agit aussi de nos personnels et de nos sites, qu'ils soient en intérieur ou en extérieur. Moi, je suis un maire, on va dire, heureux de constater qu'il y a autant de vitalité et qu'on soit finalement dans une logique de, plutôt d'accompagnement. Il y a des cités, il y a des maires qui se grattent la tête toute l'année, tous les matins, j'imagine, pour pouvoir développer, faute d'acteurs dans leur cité. Et là, en effet, ils sont dans un contexte où ils doivent mûrir, réfléchir quelque chose. Je vous entendais évoquer en effet l'initiative dont vous étiez à l'initiative sur la place du Minage autour de la poésie, de la littérature. Et là encore, il faut avoir à l'esprit que si nous avions la chance fin octobre, début novembre d'intégrer le réseau des villes créatives UNESCO, alors bien sûr notre dossier de candidature est axé 9e art BD, pour autant il est axé, on a choisi la catégorie littérature. Et donc on va intégrer un réseau avec d'autres villes du monde entier qui donc sont très axées aussi sur la littérature et qui seront aussi des partenaires potentiels, soit pour faire des expériences nouvelles, croisées, parce que dans ce réseau mondial qui rassemble 180 villes, les villes qui sont dans la catégorie littérature sont reconnues pour être les villes les plus dynamiques. Donc croisons les doigts et je pense que ça sera la nécessité pour nous, pour Angoulême, d'ouvrir d'autres horizons, de s'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres actions, dès lors que des porteurs de projets s'inscriront soit dans le 9e art, soit, mais ce qui est déjà le cas quand même assez, de manière assez prégnante sur la ville, soit aussi dans la littérature, parce que nous aurons aussi peut-être possibilité de décupler, de développer et d'accompagner des idées nouvelles, nous l'espérons. Bah oui, on espère que ça va se produire et que du coup vous aurez alors je sais pas l'accréditation UNESCO, alors je sais pas comment ça se dit. Il y a un label. Il y a ça et puis effectivement et nous ça pourrait être des liens qui se fabriquent dans le sens où là au même moment où on va terminer ce festival, il y a un mois, on a eu les clés d'un lieu qu'on cherche depuis 2 ans, dans lesquels on va essayer de faire pas mal de travaux d'aménagement pour créer un espace de travail et de création et de diffusion. Je vois derrière les amis avec Sisyphe Vidéo, Mathias qui est là, Raphaël qui est documentariste, et où on est à la fois sur des résidences un peu permanentes, et on sait qu'on a la possibilité d'exploiter ce lieu pendant une année, et ce qui n'est pas négligeable dans le sens où on va payer 1 200 € pour accéder, pour essayer de fabriquer quelque chose. Donc on a un an d'expérimentation, et peut-être que ce sera l'occasion d'être un point de chute pour des artistes et ou pour des fabrications, et des échanges qui pourront se faire. Hugo me fait un signe, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer à la radio toute la journée. J'ai déjà un peu la voix fatiguée, je suis désolé pour les auditeurs. Je te passe le micro, Hugo, pour parler de la suite et remercier Tammy et Monsieur Bonnefond d'être venus discuter avec nous. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe de la radio qui se lève très tôt et qui se couche très tard. Et l'équipe de merci, la radio. Merci. Et c'est possible de faire de la radio aussi grâce à vous, à la Fondation Les Tricoles, qui aussi a permis de développer ces pratiques et de pouvoir créer justement le lien entre les gens et de pouvoir discuter. Donc je voudrais vous remercier, monsieur le maire et Tammy, je te remercie aussi. Merci à vous en tout cas. Et merci d'être passé sur le plateau. Avec quoi on enchaîne, Marie ? Tu as des choses à nous faire écouter ? Ouais, là on va avoir un. Ah. Pardon. Je voudrais juste dire que. Tout à l'heure en arrivant, j'ai eu un éclair et je voudrais quand même juste rappeler, parce que c'est vrai que les locaux, vous l'avez souligné, sont en état vétuste et notamment celui de l'MPP, on le sait depuis maintenant quelques semaines. Mais c'est vrai que là, il y a quelque chose à faire avec l'église Saint-Ozone qui est fermée, qui est dans un état là aussi détestable. Et c'est vrai que le festival... Et l'État met un peu la pression sur la ville, mais aussi sur les partenaires que sont les autres collectivités pour trouver des espaces supplémentaires pour le moment du festival, parce qu'il s'agit aussi de renforcer ce festival de la BD, parce que c'est notre ADN, notre identité. Et c'est vrai que je me suis dit que Si demain, à l'issue d'une étude qui nous permettrait d'explorer les montants que nécessiterait la transformation de cette église aussi en un lieu qui pourrait être culturel ou mis à disposition, on pourrait là avoir, entre le Jardin Vert et l'église Saint-Ozone, une multiplicité, ou en tout cas plus de possibilités d'animation ou d'utilisation de ces lieux, qui ferait que aussi en cas de météo un peu complexe, on aurait un lieu extérieur, un lieu intérieur. Et donc il n'y a pas que finalement l'utilisation que pourrait en avoir le festival ou les grands événements, on pourrait aussi avoir là avec quelque chose qui renforcerait le pôle du Jardin Vert. Donc merci tout simplement de m'avoir invité ce matin à venir. Merci à vous. Ben merci beaucoup en tout cas. Donc là, je vais laisser la technique à Fanny. Ouais. Et nous allons retrouver Raphaël et Mathias pour une petite création sonore. Ah. Mais avant, un petit jingle quand même. Et en tout cas, merci à Tammy et à Monsieur le maire d'être venu avec nous sur le plateau. Fanny, à toi l'honneur. On arrive, on s'installe. Petite transition bien négociée. Tous avec moi. Ah, que la vie est belle sur le 101.1, même si c'est démentiel, ça sera mieux demain. Mon public, je dois dire que je l'aime beaucoup mieux que celui d'avant. Qui c'est qui se lève tôt le matin et qui empêche les autres de dormir? Les gens qui bossent, mais qui c'est qui se gêne pas pour gueuler quand je fais des booms? Les gens qui bossent, ils s'occuperaient de leurs enfants, y aurait déjà moins de délinquants. Les gens qui bossent, ils exploitent la planète, et puis tant pis si ça pète. Les gens qui bossent, ah, ah bah les gens qui bossent, ah, c'est que de la racaille. Ah, ah bah les gens qui bossent, ah, vous les nettoyez au Karcher. À cause de qui y a que le dimanche qui a les bons trucs à la télé? Les gens qui bossent, qui sait qui se dit vivement la retraite et qui la touchera sûrement jamais. Les gens qui bossent, qui sait qui en a marre de payer des allocs aux immigrés. Les gens qui bossent, et surtout à cause de qui y a pas de boulot aujourd'hui. Les gens qui bossent, ah, ah bah les gens qui bossent, ah, ils sont égoïstes. Ah, ah bah les gens qui bossent, ah, heureusement y en a de moins en moins. Ah, ah bah les gens qui bossent, ah, ils ont vraiment rien d'autre à foutre. Ah, ah bah les gens qui bossent, ah, franchement y a pas de quoi la ramener. Tu fais quoi, Mathias? Tu sais, là, on fait la radio et tout. Ouais. C'est un peu rigolo, mais tu vois, je me dis, bah, j'ai 30 ans. Ouais, pareil. Puis bah, après la radio, en fait, j'ai plus rien à faire. Ouais. Alors du coup, j'avoue que je suis un peu en stress. Donc là, je check un peu les annonces, quoi. Je comprends que dalle. Ah ouais, vas-y, ouais. Tu veux voir? Tu veux m'aider? Ouais, carrément. Et ça te dit même, on en cherche ensemble. Allez, vas-y. Alors, technicien en métrologie. Ok. Alors, le technicien en métrologie, c'est un technicien du contrôle qualité. Il intervient dans de très nombreux secteurs où il étalonne et vérifie la mesure des pièces produites, quelles qu'elles soient. C'est une annonce là que t'as... Ouais, que c'est une annonce, ouais. J'ai rien compris. Si, en gros, c'est un mec qui se trimballe avec un mètre à ruban et qui mesure tout. Bah, moi, c'est ce que ça c'est, inspire, c'est ce effectivement, que je comprends, tu vois. En tout cas. Des pièces produites, quelles qu'elles soient, c'est un peu rigolo, tu vois. Ouais. Genre, on mesure la vie. Ouais. Tu veux lire ça, là? Vas-y, envoie. Avec le titre, il envoie du steak. Alors, analyste attribution de performance. Le candidat intégrera le pôle attribution de performance qui a pour mission de produire les reportings et analyses de performance sur un périmètre de fonds géré par l'entreprise et de les diffuser auprès d'autres équipes pour un usage interne ou externe. J'ai mal au crâne. Mais t'as trouvé ça sur Pôle emploi, là? Ouais, c'est des vraies annonces. Ok. Attends, alors. Mais c'est chelou. Celui-ci, il m'inspire bien là. Ah ouais. En plus, tu vois, il fait un peu penser à toi. Responsable du bonheur au travail. Ah, ça m'irait vachement bien ça. Ah, je pense qu'on a plusieurs compétences dessus. Regarde, mission. Créer une bonne ambiance de travail. Ouais, ça je sais faire. Identifier les problèmes vécus par les salariés, tu m'étonnes. Oui. Trouver des solutions appropriées. Organiser des petits déjeuners, des apéros ou des soirées offertes par l'entreprise. Ouais, ça, on sait faire. Proposer des activités de détente en interne, yoga, karaoké, sophrologie, séance de massage. Accueillir les nouveaux salariés et veiller à leur intégration. Veiller à la convivialité des espaces de travail. C'est genre on met des guirlandes ou quoi ? Je sais pas, des petits coussins partout. Mettre en place, elle est pas mal celle-là, mettre en place une culture de travail sereine et positive. Ouais, je sais pas, ça commence à me faire peur. Créer du lien entre les salariés. Tu sais quoi, en fait, ça a l'air assez saoulant. Non, c'est pas tentant. Ouais, mais j'ai pas grand-chose, quoi. Après, il y a un autre poste, là, mais il y a rien dessus. C'est créateur de mode d'emploi. Créateur de mode d'emploi. Ouais. De mode d'emploi de quoi ? Bah, j'en sais rien. Mais je me dis, en même temps, c'est rigolo, c'est vrai, des modes d'emploi, il y en a partout. Ouais. Et en fait, on fait jamais vraiment attention à ça. C'est utile. C'est utile, et c'est peut-être un boulot de planqué. Ok. Il y a un numéro ? Ouais. Ben vas-y, appelle. Allez, j'appelle. Qui c'est qui se lève tôt le matin et qui empêche les autres de dormir ? Secrétariat de Graphe Instruction, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle en fait parce que j'ai vu votre annonce sur le journal à propos d'un poste de créateur de mode d'emploi. Et en fait, je serais intéressé, mais j'aurais voulu avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît. Oui, très bien. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Je vous passe un responsable. Merci. Merci. Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter. Votre correspondant est actuellement occupé. Votre appel a été mis en attente. Chargé de management représentatif en ressources humaines et salariales du domaine d'instruction d'aide à la mise en application, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. En fait, je vous appelle parce que j'ai vu votre annonce dans le journal pour le poste de créateur de... Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réserver un entretien téléphonique directement. D'accord. Ok, oui. Donc, le poste à pourvoir consiste à visibiliser les procédures d'assemblage linéaire de nos produits COC fournis de manière fragmentée à travers la création d'outils sémantico-graphiques innovants au sein d'un projet éditorial disruptif aux normes CEZ. Je vais vous poser quelques questions. Donc, professionnellement, quel animal seriez-vous ? Un aigle, je pense. D'accord. Vous êtes plutôt loup ou berger ? Berger, plutôt. Plutôt berger, oui. D'accord, très bien. Que pensez-vous de l'autorité ? L'autorité ? C'est important ? L'autorité, c'est important, oui. L'autorité, c'est important, oui. Oui. D'accord. Que pensez-vous votre conjoint ? Ce que pense de moi ma conjointe ? Je pense qu'elle m'aime. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez une passion ? Oui, une passion. J'aime beaucoup la musique. D'accord. Est-ce que vous êtes plutôt actif ou passif ? Pardon ? Actif ou passif ? Je pense que je suis les deux. Ça dépend. D'accord. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, oui, effectivement, sur votre annonce, il n'y a aucune information concernant les temps horaires, les vacances, le salaire. Ça c'est pas très important, nous on s'aligne sur le prix du marché. Ce qui compte surtout, c'est que vous avez choisi de gagner de l'argent en mettant votre cause au service d'une grande entreprise comme la nôtre. Et votre dévouement servira votre élévation spirituelle, développement personnel, etc. Vous savez, ce qui est important, c'est que le travail, c'est la santé, c'est le bonheur, c'est ce qui nous rend libre, vous savez. Alors, c'est bon ? Je vais prendre un peu de temps pour réfléchir si ça vous dérange pas. Mais ça, vous savez, monsieur, il faut... Faut réfléchir vite, jeune homme, hein, parce que derrière vous, il y en a plein qui attendent. Voilà. Donc, parlez pas trop de temps non plus. Hein. Voilà. D'accord. Au revoir. Au revoir. Ça s'est bien passé ? C'est vachement chaud, là. Je suis en stress, en fait. Je pensais que c'était un boulot de planqué. En fait, c'est la guerre, quoi. Mais c'est un peu partout, la guerre. T'as vu comment c'était froid ? Ouais. Ouais, le mec est pas... Ouais. Oh, super sympathique. Et puis le métier non plus a pas l'air de faire rêver. Ça m'emballe pas finalement, je sais pas. Pourquoi les choses sont jamais vraiment comme on veut, quoi. Mais ouais, pourquoi on peut pas avoir des métiers fun, genre câlineur de petits chiens. Voilà, carrément, câlineur de petits chiens, ça c'est marrant. Ça c'est sympa. Ça t'apporte du bonheur et ça apporte du bonheur aux petits chiens. Ouais, moi je sais pas, j'ai toujours rêvé de faire critique de soirée. Critique de soirée ? Ouais, genre je suis payé pour critiquer des soirées, tu vois. Genre je vais chez mes potes et puis je mets des étoiles. Genre sur 5. comme Télérama. Tu notes tes potes du coup. Mais étends ton domaine de notation. Tu vois, globalise, mondialise, oui. Va faire les soirées mondaines, les soirées champagne. Pourquoi pas, c'est vrai, bon, on m'invite pas souvent dans les soirées à la mairie ou aux banques, mais je peux le faire. Ouais. C'est vrai. Ah. Une fois, j'ai été invité à une soirée avec des banquiers. Avec des banquiers ? Ouais. Et tu leur as parlé ? Non. Ouais. Non, c'est pour ça qu'avec tes potes, c'est pas mal aussi. Sinon, observateur de nuages aussi, c'est pas mal. Ouais, genre tu compterais les nuages ? Tu les comptes, tu les estimes, genre est-ce qu'ils sont vapoteux, est-ce qu'ils sont un peu chantilly, est-ce qu'ils étaient plus roses qu'hier au coucher de soleil ou des trucs comme ça, tu vois, enfin je sais pas. Ouais, je vois. Puis tu bosses allongé du coup, ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Moi quand j'étais petit, je voulais être rangeur de forêt. Rangeur de forêt ? Ouais. Ça consiste en ? Bah genre tu te balades en fait et puis tu prépares les chemins, tu vois, dans la forêt pour les promeneurs. Tu bouges les petites brindilles ouais, et tout. Tu bouges les brindilles. Ouais, ça peut être pas mal. Mais moi, je ferais bien promeneuse professionnelle. Ok. De me promener toute la journée. Ah ouais. D'être payée à me promener toute la journée. Moi, j'aime bien me promener. Puis ça muscle. Et toi qui aimes bien les fleurs, t'aimerais pas être plutôt testeur de parfums de fleurs ? Ah ouais, testeur de parfums de fleurs, ce serait pas mal. Testeuse, du coup, d'ailleurs. Ouais, testeuse. Ouais. Ah ouais, genre, je fais un petit classement, j'ai un petit carnet, je marque même la couleur, tout ça, la senteur. Si c'est plutôt fruité, si c'est plutôt sucré, si c'est plutôt... Ouais, ça pourrait être pas mal. T'aimerais pas être fleuriste, toi ? Ouais, j'y avais jamais pensé, fleuriste, pourquoi pas. Je me dis, ça se trouve, elle doit sentir des fleurs toute la journée. Ouais, c'est pas faux. Mais après, il y a tous les clients et tout. Mais je sais pas, en fait, exactement comment ça se goupille, fleuriste. Bah, t'as qu'à en appeler une, hein. Vas-y, chaud. Vas-y, j'appelle une fleuriste. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. En fait, je vous appelle un peu au hasard parce que là, j'ai 30 ans et je sais pas trop ce que je veux faire dans la vie. Et du coup, je me demandais, fleuriste, c'est cool comme métier, vous faites quoi de vos journées en fait ? Fleuriste, c'est faire des bouquets, des compositions florales, vendre des plantes aussi, toutes sortes de plantes, vertes, fleuries, voilà. Ouais, d'accord. Et il faut se lever à quelle heure le matin ? Ah, ça dépend des jours. Les jours où il faut aller chercher la marchandise, il faut se lever à 4h du matin, voire 2h. Sinon, les horaires normaux, 7h. Voilà. D'accord. Et vous avez des vacances ? Oui, parce que j'ai une employée. Ah, ouais, bien joué. Et les gens sont sympas, en général ? Ah oui, il n'y a pas de souci. C'est un commerce agréable. Il n'y a pas... Les gens sont pas agressifs, il n'y a pas de problème. Et vous faites des pauses souvent, du coup ? Comment ? Vous faites des pauses souvent, vous avez l'occasion ? Des pauses ? Ah non, il n'y a pas de pause. Ouais. Ouais. On n'a pas de pause. c'est pas tellement prévu, ça. Et vous vouliez déjà faire ça quand vous étiez petite ? Oh, c'est pas facile à dire, ça. Quand j'étais petite, je ne sais pas. Je faisais beaucoup de paquets avec les cartons que je trouvais et puis je faisais des emballages déjà. Okay. Moi-même, je faisais des boîtes moi-même. Après, les fleurs, ma grand-mère était très fleur, donc je pense elle avait un jardin de grand-mère, donc voilà, elle avait beaucoup de comment dire, d'atomes crochus au niveau de ce métier. Donc, je pense que... Excusez-moi, je travaille en même temps. Ah ouais, je vous en prie. Voilà. C'est venu progressivement. Hein. Voilà. Ok. Et vous diriez que vous êtes heureuse aujourd'hui ? Comment ? Vous diriez que vous êtes heureuse aujourd'hui ? Ah, dans mon métier, oui, tout à fait. Ok, super. Ah oui, je vous laisse travailler du coup. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Merci, au revoir. Merci, au revoir. 4 heures du mat, c'est chaud quand même. Ouais, j'ai bien senti quand elle a dit ça que ça commençait à piquer, hein, mais t'as vu, sinon c'est sympa. Hein. Ouais. Après, tu vois, elle dit je suis heureuse dans mon métier. Mais dans son métier. Dans son métier déjà. Et puis, J'ai pas l'impression que c'est ce qu'elle voulait faire quand elle était petite. Après, évidemment, on a tous des... Non, mais laisse tomber, il faut se lever à 4h du mat, c'est pas grave. Ouais, non, c'est marrant. Pourquoi il n'y a pas de truc parfait, en fait? Pourquoi, comment on peut faire pour... Comment ça serait mieux, du coup, la vie? Mais ouais, c'est vrai, c'est une très bonne question, Mathias me la pose tous les matins. En fait, c'est... Parce que là, il y a chercher du travail pour... Quoi, en fait, pour te définir, pour avoir un statut quand on rencontre quelqu'un? Bah, en fait, oui, c'est ça. C'est que tu as un travail simplement pour pouvoir répondre à la question. Enfin, j'ai l'impression, pour pouvoir répondre à la question qu'on te pose tout le temps. Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Ouais. Ce qui est une question un peu absurde, quoi. Et de réduire ça au travail, en plus. Et puis, du coup, ça veut dire que tu... Enfin, t'es censé passer ta vie à travailler, quand même. Et ça, c'est chaud de prendre tout ton temps pour travailler, souvent pour quelqu'un d'autre. Pour répondre à une question qu'un mec te pose un jour dans un bar. J'avoue, on se fait complètement avoir. Ouais. Puis en plus, c'est vraiment genre travailler toute sa vie pour gagner des sous, on va dire. Bon, c'est ça, pour pouvoir vivre en fait, vivre décemment. Donc se payer des trucs ou rien que payer les factures. L'idée, c'est de travailler pour pouvoir aussi peut-être un jour se passer de travailler. C'est ça, je crois qu'il y a l'idée aussi du jour meilleur, tu vois. On travaille pour se dire qu'un jour, on gagnera suffisamment d'argent pour plus travailler. Ouais, c'est un peu absurde. C'est bizarre, ouais. Moi, je me demande, du coup, tu crois que les gens riches, ils travaillent pas? Ben, ouais, mais faudrait pouvoir appeler Bernard Arnault pour lui demander s'il fait les 35 heures. J'avoue, c'est dommage qu'on ait pas son 06 à Bernard. Ouais, si quelqu'un a le numéro de Bernard, n'hésitez pas à nous appeler à la radio. On est chaud pour faire une deuxième émission. Est-ce qu'il a une retraite, d'ailleurs, Bernard? Je sais pas, mais ça, c'est vrai que c'est bizarre aussi, la retraite, ça m'angoisse un peu. En fait, du coup, comme la plupart des gens... On sait très bien, il y a comme un pacte, tu vois, on sait très bien qu'on ne gagnera jamais assez notre vie pour ne pas travailler. Du coup, on a inventé la retraite. Sauf que ça arrive à la fin de ta vie, là, en fait, tu profites de plus rien. Oui, et puis tu as le corps complètement pété par le travail, souvent. Pourquoi on n'a pas inventé une sorte de retraite, la retraite avant? Genre, tu sais, la retraite à la naissance. Ouais, tu profites de la vie. Tu profites de la vie, tu vois. Tu es payé pour. Comme ça, tu découvres les choses. Et puis, bah, une fois que tu as bien découvert la vie, tu te dis, ouais, tiens, je vais peut-être travailler là-dedans, tu vois. Oui, et comme ça, toute ton expérience de vie, tu la mets au profit du travail que tu as choisi en plus, parce que maintenant tu te connais, tu as pu faire tes expériences et tu sais vers quoi tu veux aller. C'est carrément bien. Hein. Ouais. Faudrait qu'on fasse un truc, ouais. Ouais. Peut-être, tu vois, ce qui serait bien, c'est d'écrire carrément une espèce de texte. Tu vois, il y a le code du travail, pourquoi pas un code du non-travail. Le code du non-travail, un peu à l'inverse. Ouais, carrément, je suis inspiré. T'es chaud? Ouais, je suis chaud. Vas-y, on pourrait peut-être balancer un petit son. Ouais, il nous faut un truc pour un peu... Ouais. Ça, c'est pas mal, ouais. Okay. Ça m'inspire, ouais. Ok, t'es prêt? Donc, le code du non-travail. Ouais. Article 1. Le droit au non-travail est un droit inaliénable de la naissance à la mort, et ce, indépendamment de toute attache individuelle, familiale ou gouvernementale. Article 2. Toute incitation à une activité non consentie sous le chantage d'une rémunération sera considérée comme une atteinte à l'intégrité physique et morale de l'individu. Pas mal. Article 3. La retraite, renommée ici revenu de droit à l'oisiveté, RDO, sera accessible dès la naissance et cela sans jugement extérieur de quelque sorte, conformément à l'article 1 du Code du non-travail. Ce droit ne prendra fin qu'au moment où l'individu souhaitera octroyer de son temps à une passion rémunératrice. Article 4. Toute forme de patronat ou de hiérarchie sera considérée comme une atteinte au droit du non-travail et devra être remplacée par une forme d'autogestion sous peine d'amende directement versée au fonds de cotisation à l'oisiveté, FCO. Ok. Article 5. Tout comportement ou propos oisifophobe proféré dans l'espace public sera passible d'une amende directement reversée au fonds de cotisation à l'oisiveté. Et enfin, article 6. Face à toute forme d'exploitation, le vol, le détournement, le sabotage, le perruquage, la grève sauvage ou tout autre moyen de révolte sera considéré comme de la légitime défense. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, je suis chaud. Yes, check ça.